On va parler du côté des Aigles d'Orbeval avec notre ami Simon Godreau. Salut Simon. Salut Daniel. Simon, d'abord, comment ça a été votre journée porte ouverte? Ah, ça a très bien été, honnêtement. C'était vraiment agréable. On a eu 35 à 40 jeunes, là. On a touché environ 65 jeunes là, sur notre des jeunes de la commission scolaire là, pour, sur nos deux portes ouvertes, là, elle du 20 novembre puis elle de cette semaine. Okay. Les gens sont venus chercher de l'information, on a eu de pratique avec les jeunes. J'ai eu des plus vieux aussi qui sont venus là, au niveau des cadets. On a seulement fait la pratique là, pour les Benjamin par contre. Puis non, la réception était plaisante. Puis les jeunes étaient très réceptifs, c'était le fun. Là. Il y avait vraiment un beau dynamisme sur la glace. Là, fait que, on a eu beaucoup de plaisir. OK. Donc ça a été vraiment. Ça va-tu déboucher avec quelque chose du côté des inscriptions pour l'an prochain, sûrement? Probablement, c'est pas moi qui s'inscrit à leur place, mais on sent que là, premièrement, le programme est plus connu. Le programme est roule présentement, puis on est en train de planifier nos dates de camp d'entraînement, puis on est allé voir les équipes là, au niveau du Benjamin, puis en fin de semaine, ben, c'est le tournoi à Saint-Bruno, donc on va venir voir les équipes là, un petit peu plus vieilles. Donc on commence notre recrutement tranquillement, puis on va envoyer l'invitation ouverte à tous les jeunes de la commission scolaire, étant donné que c'est un programme commission scolaire. Puis ceux qui vont vouloir venir au camp d'entraînement, ils vont être les bienvenus. Puis au-delà d'un camp d'entraînement, c'est comme une école de hockey, si on veut, ou des cliniques. Là, les jeunes repartent avec un bagage d'hockeyeur là qui est amélioré assurément. Donc, il n'y a rien de perdu de ce côté-là. OK. Si on parle, puis justement, as-tu des nouvelles du côté de Benjamin 1 depuis que tu as déposé ta candidature? C'est le cadet. Benjamin 1, on l'a déjà, mais au niveau du cadet, on a reçu un courriel hier là, du RSEQ, du sport étudiant, que les lettres d'envoi au niveau du cadet, les acceptations cadet D2 avaient été envoyées, puis que le cadet D1, eux, ça va être la semaine prochaine. Donc okay. on est toujours dans l'attente, et puis tout comme l'an dernier, si nous n'avons pas notre équipe, ben nous irons en appel, et puis c'est pas la fin du processus, même si c'est négatif. Puis si c'est positif, ben tant mieux, on va pouvoir se mettre au travail tout de suite. Okay. pour offrir le service aux jeunes. OK. Cette semaine, il se passe quoi maintenant? Je sais que j'ai pas de match, vous jouez à 16h, donc au moment où est-ce qu'on enregistre le podcast, tu vois, après ton podcast, tu t'en vas tout en match, donc c'est un tournoi à Saint-Bruno, c'est ça? Exactement. Nos trois équipes jouaient la semaine dernière ce samedi. Ouais. Nos Benjamins jouaient, eux, au Pavillon du Bois du Four contre les Lynx. C'était un verdict nul de 1-1. Pendant ce temps-là, nos cadets jouaient au final, étaient à la Pocatière. Nos cadets ont gagné un match de 3-1. Et puis nos juvéniles se sont inclinés 2-1 là, contre l'équipe de Chanoine Baudet de la Pocatière. Votre tournoi à Saint-Bruno, y a-t-il bien des équipes? Pardon? Y a-tu bien des équipes le tournoi à Saint-Bruno? Au niveau du cadet des deux, là, c'est 5 équipes. C'est un Ron Robin à 5 qui va éliminer la 5e position. Là. Donc, des équipes d'un peu partout. Il y a Arvida qu'on connaît bien en cadet 2. Ensuite de ça, il y a le séminaire Saint-François. Il y a l'école secondaire Cap-Jeunesse dans le secteur de Montréal. Et puis, il y a la polyvalente Marcel Landry là, dans le coin de Montréal qui vont être là également. C'est deux équipes qu'on connaît absolument pas. OK. Ben Simon, ça fait le tour pour cette semaine? Oui, ça marche. Merci, Daniel. On se reparle la semaine prochaine. Simon Godreau, l'instructeur des Aigles d'Orbeval.